Tu m'aimes par tes suppliques, par tes gestes. Est-ce tes spiègles qui affleurent en me sentant, par ces soirs que tu conserves, par tes incertitudes face aux prédictions qui annoncent qu'au bout de cette distance tu seras mienne, par la joie que je t'offre qui te rajeunit et te ramène à l'enfance que tu es, par nos palpitations communes et par ma plainte blessée quand tu ne m'écris pas, par ton affection de femme rebelle, par le bonheur qui déjà s'échappe. Déjà s'échappe.